No, but you know today that is not like Sunday, that we have a lot of time. Amen. Aber heute haben wir nicht so wie sonntags viel Zeit. Mais aujourd'hui ce n'est pas comme le dimanche où nous avons beaucoup de temps. So we only go to, you know, be up to where the time permits us to be. Deswegen werden wir die Zeit ausnutzen, die wir haben. Et c'est ça pourquoi on va profiter du temps que nous avons aujourd'hui. Amen. Amen. I have two messages here. Ich habe zwei Botschaften hier. Et j'ai deux messages ici. But I first of all just preach the first one so that if we can finish it, then we go to the second. But if not, we just on Sunday by God's grace we go to the second. Amen. Und wir werden uns erstmal mit der ersten befassen und wenn wir das mit der zweiten nicht schaffen, dann werden wir am Sonntag mit der zweiten Botschaft weitermachen. Et on va commencer avec le premier message, mais si nous avons fini avec ça, on va continuer avec le deuxième, sinon on va aussi continuer le dimanche. And this very first one is for so many of us that have decided to follow Jesus. It's just a reminder. Und diese erste Botschaft geht an einige von uns, die sich entschieden haben, Jesus Christus zu folgen. Es ist aber eine Erinnerung daran. Et le message c'est pour ceux qui ont choisi Jésus-Christ, mais ce message est aussi un rappel pour les enfants de Dieu. And for those that have not chosen Christ, it is so good for you to choose Christ. Und es geht auch an die, die sich noch nicht für Jesus Christus vollständig entschieden haben, die sich noch nicht vollständig entschieden haben, es ist gut, wenn ihr euch vollständig entscheidet. Mais c'est aussi important pour les gens qui n'ont pas encore choisi Jésus-Christ pour que vous preniez la décision de suivre Jésus-Christ. And the topic is salvation. Und das Thema ist Errettung. Et le sujet est le salut. Praise the Lord. Alléluia. To be saved. Errettet zu sein. Être sauvé. Amen. Amen. To have Christ's salvation. Die Errettung von Christus zu haben. Avoir le salut du Christ. And not what religion calls salvation. Und nicht das, was Religion Errettung nennt. Et pas ce que la religion appelle le salut. Amen. Amen. Religion have their salvation. Denn Religion hat auch ihre Errettung. La religion a aussi sa propre salut, son here propre salut. Is about Christ's salvation. Aber hier geht es um die Errettung von Jesus Christus. Mais ici il s'agit de du salut de Jésus-Christ. What Jesus calls salvation. Das, was Jesus Christus Errettung nennt. C'est que Jésus-Christ appelle le salut. Praise the Lord. Hallelujah. And it's so good when if we can know the difference. Und es ist so gut, wenn wir den Unterschied kennen. Et c'est important de connaître la différence. We don't force anybody to follow Christ. Wir zwingen niemanden, Jesus Christus zu folgen. On ne force personne à suivre Jésus Christ. Jesus came here, did not force anybody. Jesus hier hingekommen und hat niemanden gezwungen. Quand Jésus Christ était ici, il n'a jamais forcé une personne. Amen. Amen. He never forced anybody. Er hat niemanden gezwungen. Il n'a jamais forcé quelqu'un. Because you have the right to go to hell. Weil du das Recht hast, in die Hölle zu gehen. Parce que tu as le droit d'aller en enfer. Amen. Amen. It's not Jesus that will take you to hell. Es ist nicht Jesus, der dich in die Hölle mitnimmt. Et c'est pas Jésus qui t'amène en enfer. Amen. Amen. You are the one that will choose to go to hell. Du bist derjenige, der entscheidet, dass du in die Hölle gehst. Et c'est toi qui choisis d'aller en enfer. You are going to follow your decision. Du wirst deiner Entscheidung folgen. C'est toi qui vas prendre la décision. Amen. It's not Jesus that will take people to hell. Nicht Jesus bringt Leute in die Hölle. C'est pas Jésus qui amène les gens en enfer. It is you that bring you to hell. Du bringst dich selbst in die Hölle. C'est toi-même qui t'amène en enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To be born again and to be a son of God are two different things. Wiedergeboren zu sein und ein Sohn Gottes zu sein ist nicht das Gleiche. Être né de, il y a une différence entre d'être né de nouveau et puis être un fils de Dieu. I repeat, to be born again and to be a son of God. Wiedergeboren zu sein. There are two different things. Und ein Sohn Gottes zu sein ist nicht das Gleiche. Être né de nouveau et puis être un fils de Dieu, ce sont deux choses différentes. Amen. Amen. And it means pray the prayer of salvation and allow Christ to direct your life are two different things. Das heißt, das Errettungsgebet beten und zulassen, dass Jesus Christus dein Leben leitet, ist nicht das Gleiche. Et il y a aussi une différence entre faire la prière du salut et puis aussi laisser Jésus-Christ être ton Seigneur qui dirige ta vie. Amen. Amen. That you pray the prayer of salvation does not mean You are a son of God. Dass du das Errettungsgebet gebetet hast, heißt nicht, dass du ein Sohn Gottes bist. Que tu as fait la prière du salut, ça ne veut dire pas que tu es un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Amen. Amen. Before we go to some verses or chapters, amen. You know, it is just as to see the kingdom and to enter into the kingdom are two different things. Genauso wie das Königreich sehen und in das Königreich eingehen, ist nicht das Gleiche. Et c'est la même chose aussi avec voir le royaume des cieux et puis entrer au royaume des cieux. Ce sont deux choses différentes. We quickly go to that of seeing the kingdom and entering the kingdom. John 3, please. Johannes 3. On commence avec voir le royaume des cieux puis entrer au royaume des cieux. John 3 from 1 to 3. Johannes 3. On va lire Jean 3, 1 à 3. Praise the Lord. 1 bis 3. Amen. Amen. Amen. From 1 to 3. 1 bis 3. Amen. Jean 3, 1 à 3. Please be there also and read along, please. Amen. Mm-hmm. Lise bitte mit. Lise aussi avec nous. It's for your own good. Es ist unserem eigenen Guten. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't go to church for anybody, but for you. Denn wir gehen nicht zur Kirche für Menschen, sondern für uns selbst. On part pas à l'église pour les gens, mais pour nous-mêmes. Amen. Amen. You are the one Satan will fight. Weil not me. Du bist die Person, die vom Teufel dann angegriffen wird, nicht die anderen Leute. Parce que c'est toi qui vas être attaqué par le diable et pas les autres. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1, it said, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Amen. Amen. Verse 2. 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou do it, except God be with him. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, this man, you know, he was a leader of the Jews. Dieser Mann war eine Leiter der Juden. Et Nicodème était un chef des Juifs. Amen. Amen. In verse 1, it said a ruler of the Jews. Ein Oberster der Juden. Donc on peut dire quelqu'un qui est un professeur de juif. A religious leader. Un religieuser Leiter. il était un directeur religieux. Amen. Amen. You know, he came to Jesus, he sneaked. You know how to sneak. You know what is to sneak. Er hat sich heimlich zu Jesus geschlichen, sozusagen. In der Nacht. Et il s'est caché pour voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Then in verse 3. Verset 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. Here he is telling us that to be born again means to see the kingdom of God. Hier sagt but er uns, to enter. Wiedergeboren zu sein, bedeutet das Königreich Gottes zu sehen, aber nicht in das Königreich Gottes einzugehen. Donc verset 3 nous dit que être né de nouveau, ça signifie que tu es capable à voir le royaume des cieux. Amen. Amen. You know, this man, there are a lot of things here to learn. Amen. Il y a viele Dinge, die wir lernen können. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre ici. Then in verse 4, let us continue so that you can get it better. Verse 4. Verse 4. Verset 4. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Praise the Lord. Hallelujah. Religious leader. Ein religiöser Oberster. Ein Chef religieux. Did not know just A. Wusste die Grundsätze nicht des Glaubens. Il ne connaissait pas la base de la foi. Amen. Amen. Religious leader, amen. Ein religiöser Leiter. Un chef religieux. You know, this will help you to know that having religion is not having Christ. Das wird uns zeigen, dass Religion zu haben bedeutet nicht Jesus Christus zu haben. Ça te montre qu'avoir une religion, ça ne veut dire pas que tu as Jésus Christ. Anytime we are preaching to you, we are not preaching religion to you. Wenn wir zu dir predigen, predigen wir nicht Religion zu dir. Toujours quand on prêche pas la religion. We preach Christ. Wir predigen Christus. On prêche le Christ. Somebody get it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. This man did not know what is called born again. Dieser religiöse Oberste wusste nicht, was Wiedergeburt bedeutet. Ce chef religieux ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire d'être né de nouveau. He did not know the things of the spirit. Kannte die Dinge des Geistes nicht. Il ne connaissait pas les choses de l'esprit. You know, here Jesus did not even call born again the things of the spirit. He said it is earthly. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir sogar, dass Jesus die Wiedergeburt sogar als etwas Irdisches bezeichnet, noch nicht mal was Geistliches. Et si on continue à lire, on peut voir que Jésus-Christ a appelé le salut, donc être né de nouveau, quelque chose terrestre. Das heißt, es geht noch viel tiefer. Donc ça veut dire, c'est encore quelque chose qui est plus, plus spirituel. Amen. Amen. We will quickly go forward. Go to verse 12. Look at what Jesus said. Vers 12. On va lire maintenant verset 12. If I have told you earthly things and you believe not, how shall you believe if I tell you heavenly things? Mm. He called to be born again earthly things. Er nennt die Wiedergeburt irdisch. Donc il appelle le salut terrestre. You know, this man could not even understand it, could not get it. Aber der religiöse Oberste konnte das nicht verstehen. Mais le chef religieux ne pouvait pas le comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 5. Vers 5. Verset 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. This time he's saying to enter. Jetzt sagt eingehen. Maintenant ici, Jésus-Christ parle d'entrer. In verse 3 he said, to see. In Vers 3 sagt sehen. In verset 3 il dit voir. Amen. Verse 5 is talking about baptism of the Holy Spirit. In Vers 5 geht es die Taufe des Heiligen Geistes. Et dans verset 5, Jésus parle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. The Holy Ghost will help you to enter. Der Heilige Geist wird dir helfen, in das Königreich Gottes einzugehen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à entrer au royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 6, said that which is born of this flesh is flesh. 6. And that which is born of the Spirit is spirit. Praise the Lord. Hallelujah. I will quickly go forward. Amen. So also the word of God and the truth are two different things. Genauso sind auch das Wort Gottes und die Wahrheit nicht das gleiche. Et c'est ça aussi pourquoi la parole de Dieu et la vérité sont deux choses différentes. Amen. Amen. The word of God and the truth are two different things. Das Wort Gottes und die Wahrheit sind zwei verschiedene Dinge. La parole de Dieu et la vérité sont deux choses différentes. Amen. Amen. Amen. It's only Christ that is the truth. Denn nur Jesus Christus ist die Wahrheit. Mais c'est seulement Jésus-Christ qui est la vérité. In John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jean 14, verset 6. Praise the Lord. Hallelujah. John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jean 14, verset 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus came with the truth. Jesus kam mit der Wahrheit. Jésus est venu avec la vérité. He is the truth. Und ist die Wahrheit. Il est la vérité. His spirit is the spirit of truth. Sein Geist ist der Geist der Wahrheit. Son esprit est l'esprit de la vérité. And that's why to know the truth you have to surrender to the Holy Spirit. Um die Wahrheit zu kennen, musst du dich dem Heiligen Geist hingeben. C'est ça pourquoi pour connaître la vérité, tu dois te soumettre à la vérité. You have to submit to the Holy Spirit. Du musst dich dem Heiligen Geist hingeben, dem Geist von Jesus Christus hingeben. Amen. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit. Amen. Amen. And also having religion and having Christ are two different things. Religion zu haben und Christus zu haben sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe. Et encore, il y a une différence entre être, entre avoir une religion puis avoir Jésus-Christ et la Amen. Vérité. Amen. Having religion and having Christ are not the same. Religion zu haben und Christus zu haben ist nicht das gleiche. Avoir une religion et avoir Jésus-Christ ne sont pas la même chose. If you are saved, I know. Wenn du errettet bist, weiß ich das. Parce que si tu es sauvé, je vais le reconnaître. If you are not saved, I also know. Wenn du nicht errettet bist, weiß ich das auch. Si tu n'es pas sauvé, je le sais aussi. If you are really saved, you will be hungry of the truth. Weil wenn du wirklich errettet bist, bist du hungrig nach der Wahrheit. Parce que si tu as faim, tu vas avoir si tu es né de nouveau, tu vas avoir faim de la vérité. If you are really saved, you will be hungry of Jesus Christ. Wenn du errettet bist, dann wirst du hungrig sein nach Jesus, auf Jesus Christus. Si tu es né de nouveau, tu vas avoir faim de Jésus-Christ. If you are really saved, you will not hate the truth. Dann wirst du die Wahrheit nicht hassen. Si tu es né de nouveau, tu vas pas détester la vérité. And you will not hate those that preach the truth to you. Und du wirst nicht die Leute hassen, die Wahrheit zu dir predigen. Et tu vas pas détester les gens qui prêchent la vérité. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. There is nothing wrong that you don't know the truth, but are you hungry of the truth? Es ist eine Sache, die Wahrheit nicht zu kennen, aber es ist eine andere Sache, nicht hungrig auf die Wahrheit zu sein. C'est une chose de ne pas connaître la vérité, mais c'est aussi une autre chose si tu n'as pas faim de la vérité. I did not know the truth in the past. In der Vergangenheit kannte ich die Wahrheit auch nicht. Au passé, je connaissais pas la vérité. But I was hungry of the truth. Aber ich war hungrig nach der Wahrheit. Mais j'avais faim de la vérité. And I submit to the Holy Spirit. Und ich habe mich dem Heiligen Geist übergeben. Et je me suis soumis au Saint-Esprit. So that he will help me. He will reveal the truth to me. Go to John 16. Damit er mir die Wahrheit offenbart. Pour qu'il me révèle la vérité. Johannes 16. Jean 16. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Jesus was preparing to go. Hat sich vorbereitet zu gehen. Et ici on peut voir que Jésus-Christ s'est préparé pour quitter ce monde. Amen. And he was telling us, revealing to them that the Holy Ghost is coming. Und er hat ihnen offenbart, dass der Heilige Geist kommt. Et il a révélé ses disciples que le Saint-Esprit va arriver. Because inside him was the whole of the Holy Ghost was inside him. Der ganze Heilige Geist war in ihm. Parce que tout le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. From verse 5 of John 16. Johannes 16, Vers 5. Jean 16, verset 5. Look at what Jesus said. Amen. He said, but now I go my way to him that sent me. And none of you asketh me, whither goest thou? Verse 6. Verset 6. That because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come upon you. But if I depart, I will send him unto you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until he goes, you cannot have the Holy Spirit. Erst wenn Jesus gegangen ist, konnte er den Heiligen Geist zurücklassen und seitdem konnten wir ihn empfangen. Quand Jésus-Christ a quitté le monde, c'est là où il pouvait partager il pouvait partager le Saint-Esprit. Amen. Amen. Remember, there was the period of the Father. Erinnert euch, es gibt die Zeit des Vaters. Rappelez-vous, il y a le temps du Père. And this very time was the period of the Son. Und diese Zeit, als Jesus hier gerade gesprochen hat, war die Zeit des Sohnes. Et ici dans Jean 16, c'était le temps du Fils. And Jesus is introducing another period to us here. Und er said there's going to be the period of the Holy Spirit. Und Jesus hier in diesem Vers bereitet uns auf eine neue Zeit vor, die Zeit des Heiligen Geistes, die kommen wird. Et maintenant, c'est dans verset 7, on peut voir que Jésus-Christ prépare ses disciples pour la période du Saint-Esprit. Remember God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Erinnert euch, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Rappelez-vous Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. This period is the period of the Holy Ghost. Und die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist die Zeit des Heiligen Geistes. Et maintenant, c'est la période du Saint-Esprit. Amen. Amen. Where it is about relationship and not visiting. Wo es darum geht, Beziehung mit Jesus Christus zu haben und nicht Jesus Christus zu besuchen. Où il s'agit d'avoir une relation avec Jésus-Christ et pas seulement visiter Jésus-Christ. He does not need your visits. He needs your relationship. Denn er braucht nicht deine Besuche, er braucht dein Leben, er braucht Beziehung mit dir. Et il n'a pas besoin que tu le visites, mais il a besoin de ta relation avec lui. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Verse 8. And when he is come, he's talking about the Holy Spirit. Er spricht über den Heiligen Geist, wenn er kommt. Et quand il sera venu, donc ici il parle du Saint-Esprit. He's talking about his own spirit. Er spricht über seinen eigenen Geist. Il parle de son propre esprit. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Verse 9. And of sin, because they believe not on me. And of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Verse 11. Of judgment, because the prince of this world is judged. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 12 now. 12, Johannes 16, 12. 12, verse 12. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Er sagt, vieles hätte ich euch noch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ici, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. I have many things to tell you, but you know your brain is just too small. Ich habe euch noch vieles zu sagen, sagte ich dir, aber euer Verstand ist zu klein, um das zu greifen. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vos cerveaux sont trop petits, votre compréhension, ça n'arrive pas à comprendre. He said you need the power of the Holy Ghost. Er sagt, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, um das zu ertragen. Donc ici, il nous dit que nous avons besoin du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, pour supporter ce que Jésus-Christ veut nous dire. That's why the Holy Ghost has his own job. Deswegen hat der Heilige Geist seine eigene Aufgabe. C'est ça pourquoi le Saint-Esprit a son propre travail. You must surrender to him. Wir müssen uns ihm untergeben. Tu dois te soumettre au Saint-Esprit. He is a person. Er ist eine Person. Il est une personne. He is a gentleman. Er ist höflich. Amen. Amen. He loves your invitation. Er mag Einladungen, deine Einladungen. Et le Saint-Esprit, il est poli, donc il aime être invité. Amen. We don't have the Holy Spirit and just keep quiet. Du hast einfach and not engaging. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur ein Accessoire in deinem Leben, sondern du musst Beziehung haben mit ihm. Et tu ne peux pas seulement avoir le Saint-Esprit, l'Esprit comme un accessoire, mais tu dois aussi utiliser le Saint-Esprit, avoir une relation avec lui parce que c'est une personne. Please know one thing, that it is not the Holy, it's not the Holy Spirit without Christ. Und ich spreche über den Heiligen Geist in Verbindung mit Christus, nicht ohne Jesus Christus. Et je parle du Saint-Esprit en connexion avec Jésus-Christ, pas le Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Any spirit without Christ is demon. Weil jeder andere Geist ohne Jesus Christus ist ein Dämon. Parce que chaque esprit sans Jésus-Christ est un démon. A lot of talk about Holy Spirit without Christ. They are not Holy Spirit. They are evil spirits. Weil viele Leute sprechen über heilige Geister ohne Jesus Christus als Basis, als Fundament, und das sind böse Geister. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du Saint-Esprit sans avoir Jésus-Christ comme la base. Mais chaque esprit qui ne base pas sur Jésus-Christ, c'est un esprit mauvais, c'est pas le Saint-Esprit. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. Der Heilige Geist ist heilig, er ist der Geist von Jesus Christus. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. He has so many names. Holy. Er hat so viele Namen. Heilig. Il a beaucoup de noms. Par exemple, le Saint. Die Wahrheit. La vérité. Look at here. Amen. Mm-hmm. Verse 13. Howbeit when he, the Spirit of Truth, you see the name. Der Geist der Wahrheit. The Spirit of Truth is come. He will guide you into all truth. Amen. Amen. Verset 13 nous dit aussi que le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité. You know, there are people that always say, oh, we don't know who is speaking the truth. It's because you don't know. You don't have relationship with the Holy Spirit. If you know, if you have relationship with the Holy Spirit, you will know the truth. Es gibt Menschen, die sagen, ja. Except you call Jesus a liar. Es gibt Menschen, die sagen, dieser Pastor sagt das, der andere Pastor sagt jenes. Wem soll man jetzt glauben? Wer sagt die Wahrheit? Aber mit dem Geist der Wahrheit können wir unterscheiden, welcher Geist vom Satan ist und welcher Geist die Wahrheit spricht. Il y a beaucoup de gens, surtout les chrétiens, qui disent, bon, on ne sait pas qui dit la vérité parce que cette personne dit A, l'autre dit B, mais c'est parce que tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. Parce que si tu as réellement une relation avec le Saint-Esprit, tu vas directement reconnaître tous les mensonges du diable. Und dann liegt es in deinem Ermessen zu entscheiden, ob Jesus Christus die Wahrheit ist oder ob er ein Lügner ist. Et c'est après, c'est toi qui vas prendre la décision. Tu vas prendre la décision si Jésus-Christ est un menteur ou s'il dit la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 13 again. Verset 13. He said, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, if he come into your life, wenn er in dein Leben kommt, si le Saint-Esprit vient dans ta vie, he will guide you into all the truth. Er wird all truth. In alle Wahrheit einleiten. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. If you have the true Holy Spirit, you will know all truth. Den Heiligen Geist hast, dann wirst du die ganze Wahrheit kennen. Et si tu as le vrai Saint-Esprit, tu vas connaître toute la vérité. There's no excuse for not knowing the truth. Deswegen haben wir keine Ausrede mehr, die Wahrheit nicht zu kennen. C'est ça pourquoi nous avons plus une excuse pour ne pas connaître la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. He says, for he shall not speak of himself. Amen. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On vient de lire verset 14. Verse 14. 14. Verset 14. Jesus is saying, he said, he shall glorify me. Jesus sagt ganz klar, dieser Geist wird mich verherrlichen. Et Jésus dit, il me glorifia, donc le Saint-Esprit, il me glorifiera. It means there is nothing like the Holy Spirit without Christ. Das heißt, es gibt keinen Heiligen Geist ohne Jesus Christus. Ça veut dire qu'il n'y a pas un Saint-Esprit sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Because the Holy Ghost is going to glorify Jesus. Denn der Heilige Geist wird Jesus Christus verherrlichen. Parce que le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ. Amen. Amen. For he shall receive of mine and shall show it unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, having religion and having Christ are two different things. Religion zu haben und Christus zu haben sind zwei verschiedene Sachen. C'est ça pourquoi il y a une différence entre avoir une religion et puis avoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Under religion, Satan is your father. Unter Religion ist der Satan dein Vater. Si tu es sous la religion, c'est le diable qui est ton père. If you are under religion, it means Satan is your father. Ist der Satan unser Vater? Go to John 8. Si tu es sous la religion, c'est le diable qui est ton père. On va lire maintenant Jean 8. Johannes 8. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 29. Johannes 8, 29. Jean 8, verset 29. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? From verse 29. Please, as I read, because of time, I will not tell people to read because we don't have much time today. Amen? From verse 29. Bitte während ich lese. So once I'm reading, also look at it. Mm-hmm. Also be reading also. Amen? Amen. Da wir nicht so viel Zeit haben, kann ich leider nicht Leute dran nehmen, damit sie lesen. Aber bitte lest für euch gleichzeitig, während ich laut lese, für euch im Leisen bitte mit, damit ihr immer genau wisst, wo wir sind und konzentriert bleibt. Si moi je lis les versets, vous devez aussi lire avec moi, parce que je n'ai pas le temps à prendre les gens pour lire. C'est ça pourquoi prenez votre responsabilité à lire aussi les versets. Whatever we preach here, they are all in the Bible. Was immer wir predigen hier, ist alles in der Bibel. Tout ce qu'on prêche ici, on peut le trouver dans la Bible. And that is why we also want you to read with us, so that you can see them by yourself. Deswegen wollen wir, dass du mit uns in der Bibel liest, damit du es auch selber sehen, nachlesen kannst. C'est ça pourquoi on veut que tu lis avec nous, pour que toi-même tu peux le vérifier aussi dans la Bible, le voir aussi dans la Bible. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 29. Verset 29. And he that sent me is with me, said Jesus. Sagt Jesus. Jésus parle ici. The Father had not left me alone. Praise the Lord. Halleluja. He never leave you, never forsake you. Der Vater lässt mich nicht allein. Der Vater lässt uns nicht allein. Jesus lässt uns nicht allein. Donc le Père, Jésus-Christ, Jésus-Christ ne te laisse pas toute seule, il ne t'abandonne jamais. No matter the situation, Christ is with you. Egal was die Situation ist, Jesus Christus ist bei uns. Er ist, wir sind nicht alleine. Dans n'importe quelle situation, Jésus-Christ il est avec toi, tu es jamais toute seule. If you can be in the fire with the three Hebrew boys, he is everywhere with you. Wenn er im Feuer mit den drei hebräischen Jungs ist, dann kann er auch bei dir sein, egal wo du stehst. S'il pouvait être dans le feu avec les trois Hebrews, là, il peut aussi être avec toi partout. But you must have relationship with Aber wir müssen Beziehung mit ihm haben. Mais tu dois avoir une relation avec lui. You must know him. Wir müssen ihn kennen. Er muss unseren Namen kennen. Tu dois le connaître et puis lui aussi il doit connaître ton nom. It is a father and son relationship. Weil es eine Vater-Sohn-Beziehung ist. Parce que c'est une relation entre fils et père. Amen. Amen. He wants you to be one with him. Er will eins mit dir sein. Il veut que tu sois un avec lui. He cannot walk with you until you are one with him. Aber er kann nicht eins mit dir sein, wenn du nicht mit ihm kooperierst. C'est ça pourquoi il ne peut pas être un avec toi si tu n'es pas capable à coopérer avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. He loves you so much. Jesus Christus liebt uns so sehr. Jésus Christ t'aime beaucoup. Especially whoever come across us. Besonders die Menschen, die uns über den Weg laufen. Il aime surtout les gens qui nous rencontrent. I always tell them that Jesus loves you so much because it's not by accident. Wieder wenn Menschen auf mich treffen, Jesus liebt dich wirklich, weil das ist kein Zufall, dass wir aufeinandertreffen. Et c'est ça pourquoi quand je rencontre les gens, je les dis que ce n'est pas par hasard qu'on se voit parce que Jésus-Christ t'aime beaucoup, il veut que tu sois sauvé. It's not only me, but also you children here. You know, whoever come across you is blessed. Und das geht nicht nur für mich als Pastor, sondern für jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde, wer uns über den Weg läuft, der ist gesegnet. Amen. Et c'est pas seulement parce que je suis pasteur, mais aussi tous les enfants de Dieu qui sont vraiment nés de nouveau. Si quelqu'un les rencontre, là, ils sont vraiment bénis de le voir. We can never be one with somebody that will not choose Jesus Christ. Wir können niemals eins sein mit jemand, der sich nicht für Jesus Christus entscheidet. On peut jamais être un avec une personne qui ne choisit pas Jésus Christ. Amen. We can never be one with somebody that will not choose Christ Jesus. Wir können niemals eins sein mit jemandem, der sich nicht für Jesus Christus entscheidet. Das geht nicht. On peut jamais être un avec une personne qui ne choisit pas Jésus Christ. Amen. Once you choose Christ, the blood of Jesus made us one family. Weil wenn du dich für Jesus Christus, then you must choose him. Entscheidest, macht dich das Blut von Jesus Christus, macht uns das zu einer Familie, aber du musst dich für ihn entscheiden. C'est ça pourquoi quand tu choisis Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous fait une famille. Mais tu dois d'abord choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. And we are always there for you. Wir sind immer für dich da. Et nous sommes toujours là pour toi. Amen. Amen. Because we belong to one Father, the same Father. Weil wir den gleichen Vater haben. Parce qu'on appartient au même Père. Because the blood that runs through your veins also runs through my veins. Weil das Blut, was durch deine Adern fließt, ist auch das Blut, was durch meine Adern fließt. Und das ist das Blut von Jesus Christus. Amen. Parce que le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule aussi dans mes veines. Look at, you know, our mother here, Mama Seraphine. Amen. Unsere Mutter hier, Mama Seraphine. C'est la même chose avec notre mère ici, Mama Seraphine. Since she chose Jesus. Seit sie sich für Jesus Christus entschieden hat. Depuis qu'elle a choisi Jésus. We became one with her. Sind wir eins geworden mit nous ihr. Nous sommes devenus une famille avec elle. We have the same father. Wir haben den gleichen Vater. Nous avons le même père. We are not there for her because of any marriage. Wir sind nicht für sie da wegen irgendeiner Ehe. Nous sommes pas là pour elle à cause d'un mariage. Or because of any connection that Ralph or Jennifer is anything for one another. Well, that is not the issue at all. Wegen irgendeiner fleischlichen Verbindung zwischen Jennifer oder Ralph oder irgendjemand anderem. Et notre relation c'est pas aussi basée sur la chair parce que un frère ou bien une sœur a une relation avec The reason why we are there for her, that she is there for us, is based on Christ alone. Der Grund, weshalb wir für sie da sind, basiert auf Jesus Christus alleine. La raison pour laquelle nous sommes là pour Mama Séraphine, c'est basé sur Jésus-Christ lui-même. We give people time to repent. Denn wir geben Leuten Zeit, Buße zu tun, sich für Christus zu entscheiden. On donne les gens le temps de se repentir, de choisir Jésus-Christ. But if we see they are not choosing, we have to leave them alone. Aber wenn wir sehen, dass Menschen sich nicht entscheiden, dann haben wir verstanden, dass sie entschieden haben und dann lassen wir sie in Ruhe. Ça veut dire aussi si les gens ne sont pas prêts à choisir Jésus-Christ, nous avons compris que on ne peut pas être un. It means we can never be one with you. Ça veut dire, wir können nicht eins sein mit dir. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un avec toi si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. This ministry is so different. Diese Gemeinde ist deswegen so anders. Cette église est différente. We are not looking for people. Wir suchen nicht nach Menschen. On ne cherche pas les gens. We are only looking for those that want Christ. Wir suchen nach Leuten, want the truth, that are hungry of the truth. Die hungrig sind auf die Wahrheit. On cherche seulement les gens qui ont faim de la vérité. We don't care how many people are here. C'est grave, wie viele Leute hier sind oder nicht hier sind. Ce n'est pas important combien les gens sont ici. But we care for one thing, that Christ is here. Aber uns ist eine Sache wichtig, dass Christus hier ist. Mais ce qui est important pour nous est que Jésus-Christ est ici. It's very, very important for us. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. C'est très important pour nous. I thank God for our mother here. Ich danke Gott für unsere Mutter hier. Je remercie Dieu pour notre mère ici. She has been choosing Christ. Dass sie sich immer wieder für Jesus Christus entschieden hat. Qu'elle choisit Jésus Christ. And Jesus is so grateful. Und Jesus Christus ist so dankbar. Et même Jésus Christ est reconnaissant. And she is telling her, thank you for not allowing my blood to be in vain. Und er sagt ihr ganz klar, ich danke dir, dass mein Blut, was ich vergossen habe, nicht umsonst war für dich. Et Jésus Christ l'a dit que merci parce que mon sang c'est pas en vain, c'est tu n'as pas laissé que mon sang soit en vain dans ta vie. You have to know that Jesus is so grateful. Wir sollten wissen, dass auch Jesus dankbar ist, wenn wir uns für ihn entscheiden. Et tu dois savoir que Jésus-Christ est reconnaissant quand tu choisis Jésus-Christ. It means a lot for him. Es bedeutet ihm sehr viel. Et puis ça signifie beaucoup pour lui. Amen. No one wants to have a relationship with him today. Aber niemand will Beziehung mit Jesus haben. Parce que personne veut avoir une relation avec Upon lui. All he came to do for us, for you and me. Obwohl er so viel für uns alle getan hat. Bien qu'il a fait beaucoup pour nous. And how God left heaven. Gott hat den Himmel verlassen. Dieu a quitté les cieux. He came into this earth ist because diese, of you and me. Ist auf diese Erde gekommen wegen dir und mir. Et puis il est venu sur terre ici pour toi et pour moi. He really suffered. Er hat wirklich gelitten. Il a vraiment souffri. Amen. Souffert. He really suffered. Er hat wirklich gelitten. Il a vraiment souffert. Amen. Amen. So that we will be saved. Damit wir errettet sind. Pour qu'on soit sauvé. Praise the Lord. Halleluja. Amen. If you know how he values you, you will choose him. Wenn wir wissen würden, wie sehr er uns wertschätzt, würden wir uns für ihn entscheiden. Si tu sais comment Dieu t'apprécie, là tu vas le choisir. He values you so much. Er schätzt uns so sehr. Il t'apprécie beaucoup. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 29 again. Johannes 8, 29. Jean 8, verset 29. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please him. Praise the Lord. Hallelujah. And that is the same with us also. Und das ist die gleiche Einstellung, die wir auch haben sollten. C'est que Jésus-Christ nous dit dans verset 29, c'est la même attitude qu'on doit avoir aussi. We are not here to please any man. Denn wir sind nicht hier, um Menschen zu gefallen. Nous sommes pas ici pour plaire à quelqu'un. Don't be here to please me. Sei nicht hier, um mir zu gefallen. Ne sois pas ici pour me plaire. We are here because it is all about Christ Jesus. Wir sind hier, weil es nur um Jesus Christus geht. Nous sommes ici parce qu'il s'agit seulement de Jésus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 30. 30. Verset 30. As he spoke these words, many believe on him. Amen. Mm-hmm. The Bible said many believe on him. Viele glaubten an ihn. La Bible nous dit que beaucoup ont cru en lui. 31. Then said Jesus to those Jews which believe on him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, those that believe on him, he now says something to them. Die Leute, die an ihn geglaubt haben, er hat nochmal was zu ihnen gesagt, dass es noch viel tiefer geht. Ici, Jésus-Christ parle aux gens qui ont cru en lui. If you see here, he was not talking to unbelievers. Er hat hier nicht zu Ungläubigen gesprochen, sondern zu Gläubigen. Ici dans verset 31, n'a pas parlé aux incroyants, mais aux croyants. Amen. Amen. He said that you believe on me is not enough. Dass du an mich glaubst, reicht nicht. Que tu crois en moi, ça suffit pas. Amen. Amen. You know, people go to church because they believe on Jesus. Leute gehen zur Kirche, weil sie meinen zu glauben, dass sie an Jesus Christus glauben. Et les gens, ils partent à l'église parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Then he said, for those that, you know, again verse 31 said, they said Jesus to those Jews which believe on him. Verset 31. 31. If you continue in my word, then are you my disciples indeed. Amen. Amen. You continue to believe. Du glaubst weiterhin. Tu continues à le croire. You continue to have relationship with me. Tu hast weiter eine Beziehung mit ihm. Tu continues d'avoir une relation you avec continue Jesus to trust me. Du vertraust ihm weiterhin. Tu continues à le faire confiance. You continue to see me alone. Du siehst weiter nur auf ihn. Tu continues à voir seulement Jésus. It's not seeing yourself and seeing Jesus. But see Christ Jesus alone. Und nicht Jesus zu sehen und dich zu sehen, sondern Jesus Christus allein zu sehen. Tu ne vois pas toi-même et Jésus-Christ, mais tu vois seulement Jésus-Christ lui-même. You continue to see the finished work of Christ. Du siehst weiterhin auf das fertige Werk von Jesus Christus. Et tu continues à voir l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He said, until you continue, you cannot know the truth. Er sagt die ganze Zeit, erst wenn ihr weitermacht, könnt ihr die Wahrheit erkennen. Jusqu'à ce que tu continues avec Jésus-Christ, c'est là où tu vas être capable à comprendre la vérité. Until you continue, you cannot know the truth. Aber wenn ihr nicht weitermacht, könnt ihr die Wahrheit nicht erkennen. Mais si tu ne continues pas, tu peux pas comprendre. If you continue, the Holy Ghost will then reveal the truth to you. Amen. Si tu ne continues pas avec Jésus-Christ, tu vas pas être capable à comprendre la vérité. Wenn ihr weitermacht, dann kann der Heilige Geist euch die Wahrheit offenbaren. Et si vous, praise the Lord. Hallelujah. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. 32. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. People are looking for freedom today. Aber Menschen suchen nach Freiheit. Les gens cherchent la liberté. There's no freedom without Christ Jesus. Aber es gibt keine Freiheit ohne Jesus Christus. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la liberté. Train up your child in Christ Jesus. Wir sollen unsere Kinder in Christus erziehen. Tu dois éduquer tes enfants en Jésus-Christ. Amen. Amen. Train up your child in Christ Jesus. Erziehe deine Kinder in Jesus Christus. Tu dois éduquer tes enfants en Jésus-Christ. Before it's too late for you. Bevor es zu spät ist. Avant que c'est trop tard. Amen. Destroyer is everywhere. Denn der Zerstörer, er hat wenig Zeit. Er ist überall. Parce que le diable qui détruit, il est partout et puis il a pas de temps de ça, il cherche qui à détruire. God created hell for him alone. Und Gott hat die Hölle für ihn allein erschaffen. Et Dieu a créé l'enfer pour le diable tout seul. Himself and his angels. Für den Satan und seine Dämonen, für seine Engel. Pour le diable et ses démons. But he does not want to go to that hell alone. Aber der Satan will nicht allein in diese Hölle gehen. Mais le diable ne veut pas aller en enfer toute seule. He wants to take as many people as possible. Er will so viele Leute wie möglich mitnehmen. Il veut amener beaucoup de gens que possible. And that is why I know to Jesus is automatic yes to Satan. Wenn wir Nein sagen zu Jesus, sagen wir automatisch Ja zum Satan. C'est ça pourquoi quand tu dis non à Jésus-Christ, tu dis directement si oui au diable. Please choose Jesus Christ. Entscheide dich bitte für Jesus Christus. S'il te plaît, choisis Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 33. Verset 33. They answer him, we be Abraham's seed. Are you seeing something here? These people, do not dare, we are not even far from Jesus. Diese Leute waren nicht weit weg von Jesus. Abraham. Si par exemple on lit l'histoire des Juifs, on peut voir que les Juifs n'étaient pas loin de Jésus-Christ naturellement. Amen. Naturally, they were Abraham's seed. Denn natürlich gesehen waren sie Abrahams Same, Abrahams Nachfahren. Parce que dans la chair, les Juifs sont la postérité d'Abraham. Praise the Lord. Les descendants d'Abraham. Please, if you read here, you can see what Jesus said to Abraham's seeds. wenn wir das hier lesen, Abraham's seed, what he said to them, dann sehen he wir, called your father the devil. Was Jesus zu dem Samen von Abraham gesagt hat. Er hat ihren Vater als den Satan bezeichnet. Et si on lit verset 33, on peut voir ce que Jésus-Christ a dit aux descendants d'Abraham, donc à la postérité d'Abraham. Il a dit qu'ils sont que leur père est le diable. Praise the Lord. Hallelujah. These people were full of religion, just like Nicodemus. Mm-hmm. Diese Leute waren voll von Religion, genauso wie Nicodemus. Et ces gens-là, ils étaient remplis de la religion comme Nicodème. Amen. Amen. They were full of religion. Sie waren voll von Religion. Ils étaient remplis de la religion. They answered, verse 33 again. 33. Verset 33. They answered him, we be Abraham's seed, and we are never in bondage to any man. How say thou, you shall be made free? Praise the Lord. Hallelujah. You can see how, you know, how the flesh can never understand Christ. Ihr seht, wie das Fleisch Jesus Christus nicht verstehen kann. Si on lit par exemple verset 33, on peut comprendre comment la chair est pas capable à comprendre Jésus Christ. They could not understand that since the fall, the whole world has been under the bondage of Satan. Sie konnten nicht verstehen, dass seit dem Sündenfall ist die ganze Welt unter der Gefangenschaft des Satans. Les gens ne peuvent pas comprendre que depuis la chute de l'homme, les gens ont été sous la captivité du diable. Amen. Amen. They could not get it. That since the fall, that Satan has been their God. Sie konnten nicht verstehen, dass seit dem Sündenfall ist der Satan ihr Gott. Ils ne peuvent pas comprendre que depuis la chute de l'homme, le diable est leur père. They could not understand that there is no just one God, but many gods. Sie konnten nicht verstehen, dass es nicht nur einen Gott gibt, sondern es gibt viele Götter. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il n'y a pas seulement un Dieu, mais beaucoup de dieux. That there is only one true God. Aber nur ein wahrhaftiger Gott. Mais il y a seulement un vrai Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 34. 34. Verset 34. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Whosoever commits sin is a servant of sin. Amen. Amen. Amen. He's talking. You know, Jesus is referring them to the period from Adam, when Adam fell. Jesus verweist sie auf die Zeit des Sündenfalles, als Adam gefallen ist, um ihnen klarzumachen, dass ihr alle ohne mich Sünder und verloren seid. Dans verset 34, Jésus-Christ dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc ici, il montre les Juifs que si tu es un descendant d'Adam, tu es directement aussi un pécheur, donc tu es un esclave du péché. Since the fall, man has been under man has become the servant of sin. Seit dem Sündenfall ist der Mensch ein Knecht der Sünde. Et depuis la chute de l'homme, l'homme est l'esclave du péché. Man disobeyed God. Der Mensch hat Gott missachtet. Parce que l'homme a désobéi Dieu. Amen. Amen. And they became servant of sin. Und der Mensch wurde ein Knecht der Sünde. Et l'homme est devenu un esclave du péché. Verse 35. 35. Verset 35. And the servant abided not in the house forever, but the son abided ever. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Johannes 8, 35. Verset 35 de Jean 8. Jesus is saying, you must become a son. Jesus sagt hier, du musst zu einem Sohn werden. Dans verset 35, Jésus Christ dit, tu dois devenir un fils. Until you are a son, you are not saved. Erst wenn du ein Sohn bist, bist du errettet. Jusqu'à ce que tu es un fils, tu n'es pas sauvé. Until you are a son, you are not free. Erst wenn du ein Sohn bist, bist du frei. Jusqu'à ce que tu es un fils, tu n'es pas libre. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 36. 36. If the Son, therefore, shall make you free, you shall be free indeed. Amen. He's not talking about himself. That he came to free you. Dass er gekommen ist, um uns frei zu machen. Donc, dans verset 36, Jésus-Christ nous dit qu'il est venu pour nous libérer. So that you yourself will become a son. Damit wir Söhne sind. Pour que tu deviens un fils. Pour que nous devenions des fils. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 37. 37. Verset 37. I know that you are Abraham's seed. You know, Jesus did not argue it with them. He said, I know that you are Abraham's seed. Und Jesus hat das ihn nicht abgeschritten. Er hat gesagt, ja, ich weiß, dass ihr eine Vergangenheit habt. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber... Donc, dans verset 37, Jésus-Christ dit que je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Donc, il a dit qu'ils ont raison. You know, people say they are born again, that they are saved. Leute sagen, sind wiedergeboren, sind errettet. Les gens disent qu'ils sont nés de nouveau. But they reject the truth. Aber sie verweigern die Wahrheit. Mais ils rejettent la vérité. They reject Christ. Sie verweigern Christus. Ils rejettent Jésus-Christ. They don't want to hear anything about Jesus Christ. Sie wollen nichts von Jesus Christus hören. Ils ne veulent pas attendre quelque chose sur Jésus-Christ. Even those that preach the truth to them, they hate them. Und die Leute, die ihnen die Wahrheit offenbaren, diese Menschen bekämpfen sie. Et puis, ils détestent, puis ils combattent aussi les gens qui prêchent la vérité. It means you are not even saved. Das heißt, du bist nicht errettet. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé. If you are saved, you will not fight Jesus. Weil wenn du errettet bist, wirst du die Errettung nicht bekämpfen. Denn Jesus Christus ist die Errettung. Ça veut dire que si tu appartiens à Jésus-Christ, tu vas pas comprendre, tu vas pas combattre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le salut. If you are saved, you will not fight who saved you. Wenn du errettet bist, wirst du nicht die Person bekämpfen, die dich errettet hat. Si tu es sauvé, tu vas pas combattre la personne qui t'a sauvé. He said, I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my word has no place in you. Verset 37. Praise the Lord. Hallelujah. Just like today also. Genauso wie heute. It's going on today. They seek to kill Jesus. They hate the truth. They fight those that preach the truth today. Und das gleiche passiert auch jetzt. Sie suchen Jesus Christus. To become their enemy. Zu töten. Sie machen die Menschen, die Jesus Christus die Wahrheit predigen, zu ihren Feinden. Verset 37, Jésus-Christ dit, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc ça montre que même aujourd'hui, les gens cherchent à tuer Jésus-Christ et les gens qui appartiennent à Jésus-Christ parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vérité. Die Wahrheit findet keinen Raum in ihnen. Parce que la vérité ne pénètre pas en eux. We love you so much. Aber wir lieben dich so sehr. Mais nous, on t'aime beaucoup. In spite of your hatred towards us, obwohl du uns hast, sagen wir dir dennoch die Wahrheit. Bien que tu nous détestes, on te dit toujours la vérité. Amen. If we do not love you, we will not tell you the truth. We know you don't like the truth, but we will still continue to tell you the truth. Und wir wissen, dass diese Wahrheit nicht gefällt, aber weil wir dich lieben, werden wir dir weiterhin diese Wahrheit geben, denn das sind wir dir schuldig. Et puis, on sait que tu n'aimes pas la vérité, mais parce qu'on t'aime et qu'on a l'amour envers toi, c'est ça pourquoi on te dit la vérité. We know you because you know we know that you don't love us because we tell you the truth. But we will not stop telling you the truth. Wir wissen, dass du uns nicht liebst und der Grund dafür ist, weil wir dir immer wieder die Wahrheit sagen. Aber das wird nicht dafür sorgen, dass wir aufhören, dir die Wahrheit zu geben. Et on sait que tu nous n'aimes pas, tu nous aimes pas parce que on te dit toujours la vérité, mais nous on t'aime, c'est ça pourquoi on va continuer à te dire la vérité. And you call it a force that we are forcing you. Aber leider nennt der Mensch es dann zwingen, dass wir Menschen zwingen. Mais tu dis que nous sommes en train de te forcer. Yes, we are forcing you not to go to hell. Aber natürlich, wir zwingen we dich so raus aus einem brennenden Auto. Wir zwingen dich eben nicht in die Hölle zu gehen. Et parce qu'on t'aime, c'est ça pourquoi nous sommes en train de te forcer pour que tu ne pars pas en enfer. On te force pour que tu n'entres pas en enfer. Amen. You can call it anything you want to call it. Amen. But we love you so much. We don't want you to go to that hell. Aber wir lieben dich so sehr. Wir wollen nicht, dass du in diese Hölle gehst. Et parce que notre amour envers toi c'est vraiment grand, on veut pas que tu entres en enfer ou que tu pars en enfer. Will you hate us for telling you the truth? Aber wirst du uns hassen, weil wir dir die Wahrheit sagen? Mais est-ce que tu vas nous détester parce qu'on te dit la vérité? Amen. We did not say choose us. We are telling you choose Jesus. Wir haben nicht gesagt wähle uns, sondern wähle Jesus Christus. On t'a pas dit choisis nous, mais on a dit choisis Jésus Christ. Amen. Amen. If there's a living church around you, go there, but let it be a living church and not a dead church. Wenn es eine lebendige Gemeinde in deiner Nähe gibt, dann geh dorthin, besuche diese Gemeinde. Aber achte darauf, dass es keine tote Gemeinde ist. Et s'il y a une église vivante près de toi, tu peux aller là-bas. C'est pas que tu dois être ici, mais ça doit être une église vivante. It is better you don't go to a dead church than go into a dead church. Denn es ist besser, don't go to church at all. Than going to a dead church. Denn es ist besser, gar nicht in eine Kirche zu gehen, als in eine tote Gemeinde zu gehen. Vaut mieux rester à la maison qu'aller dans une église morte. Because they are going to plant seed into your heart. Weil diese Gemeinde, diese tote Gemeinde hat eine tote Lehre und diese Lehre wird Samen in dein Herz werden Samen dein Herz sehen. Parce qu'ils vont semer des graines dans ton cœur, parce que ce qu'ils prêchent, ce sont aussi des graines. We can see that these people, they believe they know the truth. Wir können sehen, dass diese Leute die Wahrheit kannten. They believe they know the truth. Also sie meinten die Wahrheit zu kennen. Et puis ici aussi dans la Bible, on peut voir que les gens, les Juifs pensaient de connaître la vérité. Amen. And they believed that hating Jesus is they are knowing the truth. Und sie dachten, dass Jesus zu hassen bedeutet die Wahrheit zu kennen. Et puis ils pensaient que détester Jésus-Christ, ça veut dire que tu connais la vérité. Amen. There are churches everywhere. Es gibt viele Gemeinden überall. Il y a des églises partout. But how many choose Jesus? Aber wie viele Gemeinden entscheiden sich für Jesus Christus? Mais combien choisit Jésus-Christ? It's not just going to a church. Es geht nicht nur darum, zur Kirche zu gehen. Ce n'est pas seulement que tu pars à l'église. Amen. Amen. Ou que tu pries. Having religion is not having Christ. Religion zu haben heißt nicht Jesus Christus zu haben. Avoir une religion, ça ne signifie pas que tu as Jésus-Christ. Christ Jesus is not anything about religion. Christus Jesus hat nichts mit Religion zu tun. Parce que Jésus-Christ, il n'a rien à voir avec la religion. He hates religion. Er hasst religion. Il déteste la religion. Amen. Amen. He warned the religious people. Er hat die religiösen Menschen ermahnt. Il a averti les gens religieux. He never preached religion. Er hat nicht religion geprédigt. Il n'a jamais prêché la religion. If you look at his first message in Luke 4:17, he said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Nothing religion. Wenn wir uns seine erste Botschaft in Lukas 4 anschauen, sagt er, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nah. Ja, da redet er nicht von Religion, sondern von einem Königreich. Si on, si on, on, on lit Luc 4, verset 17, et on peut voir le premier message de Jésus-Christ, c'était « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche », donc ce n'était pas sur la religion son message. Look at everywhere today, the greatest problem, the greatest, you know, group that cause problems is the religious people. Aber wenn wir uns die Welt anschauen, die größten Gruppen, die Probleme bereiten, sind die religiösen Gruppen. Et si on voit par exemple ce qui se passe ici sur ce, dans ce monde, on peut voir que la groupe religieuse c'est la groupe plus grande qui un groupe. Les groupes. Le groupe religieux est le groupe qui cause des problèmes. Amen. Amen. For them is hate your enemy. Ihnen geht es darum, den Feind auszulöschen, den Feind zu hassen. Parce que eux, ils détestent leur ennemi. Amen. But Jesus said, love your enemy. Aber Jesus sagt, liebe deine Feinde. Mais Jésus dit, aime ton ennemi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us continue. Amen. Amen. Verse 37. He said, "I know that you are Abraham's seed, but you seek to kill me because my word has no place in you." 38. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which you have seen with your father. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking to people that are so close, related. Abraham. Johannes 8:38, er spricht zu Leuten, die ja sagen, dass sie mit Abraham verwandt sind und Abraham so nahestehen. Et puis dans Jean 8, versets 37 et 38, on peut voir que Jésus-Christ parle aux gens qui sont appelés la postérité d'Abraham, donc les gens qui sont normalement prêts à Abraham. He said we don't have the same father. Er sagt, wir haben nicht den gleichen Vater. Il a dit, nous avons pas le même père. Though you are Abraham's seed, we don't have the same father. Auch wenn ihr Abrahams Same seid, haben wir nicht den gleichen Vater. Bien que vous soyez la postérité d'Abraham, nous avons pas le même père. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 39. Amen. Mm-hmm. You know, this verse 38, I say it to people very well. I say it. You can be the same mother, the same father naturally in the flesh, but you don't have the same father. Und Vers 38 sage ich oft zu Leuten, dass du kannst mit Menschen den gleichen Vater und die gleiche Mutter haben, aber ihr seid nicht verwandt. Et dans verset 38, c'est une C'est un verset que je cite beaucoup, parce que tu peux avoir une soeur ou bien un frère, mais vous n'avez pas un même père. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, a boy and a girl, you can be of the same mother. Amen. Mm-hmm. Even the same father naturally, but you are not of the same father. That's what Jesus is saying here. Hier sagt er, wir können den gleichen Vater und die gleiche Mutter haben, aber dennoch haben wir nicht den gleichen Vater. Donc Jésus-Christ nous dit ici que naturellement on peut avoir les mêmes parents, mais pas le même père à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Think of those that you are related to. Denk an die Leute, mit denen du verwandt bist. Pense à tes frères et sœurs. If you have a sister, if you have a brother. Wenn du Bruder hast, wenn du Schwester hast. Si tu as une sœur ou bien un frère. Though you have the same father and mother naturally, does not mean you are brothers and sisters. Auch wenn ihr natürlich gesehen den gleichen Vater, brothers, die gleiche Mutter habt, heißt nicht, dass ihr Geschwister seid. Bien que vous avez un père ou puis une mère naturellement, ça ne signifie pas que vous êtes une famille en Christ. Jesus is saying, it's only through me you have a brother and a sister. Jesus sagt nur, durch mich habt ihr Geschwister, durch mein Blut habt ihr Verwandte. Et Jésus-Christ dit que à travers de moi, c'est là où tu as un frère ou bien une sœur. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 39. 39. Verset 39. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Mm-hmm. Verse 40. But verse now you seek to kill me, a man that had told you the truth. Praise the Lord. Hallelujah. You know how people hate us for telling them the truth. Yeah, telling Leute, them to come to Jesus, accept Jesus. Weil wir ihnen die Wahrheit sagen und ihnen sagen, dass sie Jesus Christus akzeptieren sollen. Et vous savez combien les gens nous détestent parce qu'on leur dit de venir vers Jésus-Christ, d'être né de nouveau. Amen. Amen. But now you see, talking me, a man that had told you the truth. Verset 40. Which I have heard of God. This did not Abraham. Amen. Amen. Verse 41. 41. Verset 41. You do the deeds of your father. Praise the Lord. Hallelujah. You know this, I don't even know where I don't love in this Bible. This John 8 is interesting. It's hammer. Johannes 8. Amen. Hammer. It's hammer. It's so interesting. Jean 8 est vraiment très intéressant. Praise the Lord. Hallelujah. You can see how Jesus is revealing things. Vous voyez comment Jésus hier Dinge offenbart. Ici, on peut voir comment Jésus-Christ est en train de révéler des choses. That you can even be twins. But you don't have the same father. Dass ihr selbst Zwillinge sein könnt, einige Zwillinge, aber dennoch habt ihr nicht den gleichen Vater, nicht die gleiche Mutter. Tu peux avoir un jumeau, mais tu n'as pas le même père avec ton frère ou ta sœur. Because the blood of Christ made the difference. Denn das Blut von Jesus Christus macht den Unterschied. Parce que le sang de Jésus Christ fait la différence. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 41. 41. You do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. You see, they believe they have one. There's one father, there's one God. Glauben, but Jesus God said there are many gods. Aber Jesus sagt, es gibt viele Götter. Donc ici dans verset 41, on peut voir que les Juifs disent qu'il y a un seul Dieu. Mais Jésus-Christ dit, il y a beaucoup de dieux. Amen. Amen. Verse 42. 42. Verset 42. Jesus said to them, if God were your father, you would love me. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody getting something here? Mm-hmm. I know people through their, how they love you, how they want you to be there, how they want to be one with you. That's how you know them. Mm-hmm. Are they running from you? You know, when you are telling them the truth, do they embrace it? Jesus, look at what Jesus said here. Jesus sagt hier ganz klar, dass wir die Menschen erkennen anhand ihrer Liebe zu Jesus Christus, anhand ihrer Liebe zu den Leuten, die ihnen Christus auch geben. How to know them. Wie wir sie erkennen. Dans verset 42, Jésus-Christ dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Donc ça montre qu'on va reconnaître les gens à travers l'amour qu'ils ont pour Jésus-Christ. Donc si les gens, par exemple, fuient Jésus-Christ, ou bien fuient même les enfants de Dieu, ça montre qui ils sont. They might say they are saved. Sie sagen, vielleicht sind errettet. Ils peuvent dire qu'ils sont sauvés. Amen. But your actions say you are not saved. Aber deine Handlungen sagen, dass du nicht errettet bist. Mais leurs actions montrent qu'ils ne sont pas sauvés. Praise the Lord. Alléluia. If you are really saved, you will love to be here. Wenn du wirklich errettet bist, wirst du es lieben, hier in dieser Gemeinde zu sein. Du wirst es lieben. You will not reject coming here at all. Du wirst nicht verweigern, hier hinzukommen. Si tu es vraiment sauvé, tu vas aimer, tu vas vraiment aimer d'être ici. Tu vas pas rejeter de venir ici. Dir wird es nicht schwer fallen, hier hinzukommen. Ça va pas être difficile pour toi d'être ici. If Jesus is really your choice, wenn Jesus wirklich deine Wahl ist, wirst du es lieben, hier zu sein. Das sagt Jesus hier. Donc Jésus-Christ dit que si Jésus-Christ est vraiment ton choix, tu vas même aimer d'être ici. 42. Verset 42. He said, if God were your father, you will love me. Wenn Gott euer Vater wäre, was ihr ja behauptet, dann würdet ihr mich lieben. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. If you are really saved, you will love here. Wenn du wirklich errettet bist, wirst du diese Gemeinde lieben. Si tu es vraiment sauvé, tu vas aimer cette église. Praise the Lord. Hallelujah. Because here it's all about Jesus Christ. Denn hier geht's Jesus Christus. Parce que ici il s'agit seulement de Jésus Christ. Amen. Amen. That you hate it, that you don't even want to be here, that somebody has to force you to be here. It means a lot. It means you are not even saved. Aber dass man nicht salvation. Muss hier hinzukommen, dass man nicht drängen muss hier hinzukommen. Das heißt, dass du anscheinend Errettung brauchst. Et que tu ne veux pas être ici, qu'on doit te forcer de venir à l'église, ça montre que tu n'es même pas sauvé, que tu as besoin du salut. He said, if God were your father, you would love me. For I proceed forth and came from him, from God. Neither came I of myself, but he sent me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Just talking about this ministry. Donc on peut voir aussi que Dieu parle de cette église ou des églises vivantes en général. Amen. Amen. Verset 43. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Verset 44. You are. Verset 44. You are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. He is the father of all lies. Er ist der Vater aller Lügen. The first liar. Der erste Lügner. Le diable, il est le premier menteur, donc il est le père de mensonges. He said, because there is no truth in him. Denn es gibt keine Wahrheit in ihm. Il n'y a pas la vérité au diable. When he speaketh. Au diable, en lui. Amen. Il n'y a pas la vérité en lui. Are you getting it, please? Yeah. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Praise the Lord. Hallelujah. Wenn die Lüge redet, so redet aus seinem eigenen, denn ist ein Lügner und der Vater derselben. Dans verset 44, Jésus-Christ parle du diable, puis il dit, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Their father is the first liar. Ihr Vater ist der erste Lügner. Et leur père, le diable, est le premier menteur. Jesus called him the father of lies. Jesus hat ihn den Vater der Lügen genannt. Amen. Et Jésus-Christ a appelé le diable le père du mensonge. He said there is no truth in him. Keine Wahrheit ist in ihm. Il n'y a pas de vérité en lui. I will not want Jesus to say such a thing to me. Ich will nicht, dass Jesus sowas zu mir sagt. Et je ne veux pas que Jésus-Christ dise quelque chose comme ça sur moi. Praise de moi. The Lord. Hallelujah. Until you submit to Christ, you don't have Christ. Erst wenn ihr euch Christus ergibt, hingibt, habt ihr Christus. Jusqu'à ce que tu te soumets à Jésus-Christ, tu n'as pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Until you surrender to Christ, you don't have Christ. Erst wenn wir uns Christus hingeben, haben wir Christus. Jusqu'à ce que tu te soumets à Jésus-Christ, tu n'as pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Because you cannot have Christ without submitting to him. Wir können nicht Christus haben, ohne uns ihm hinzugeben. Parce que c'est pas possible d'avoir Jésus-Christ et puis de ne pas se soumettre à lui. To have Christ means Christ alone. Christus zu haben bedeutet Christus allein. Avoir Jésus Christ signifie avoir Jésus Christ tout seul. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. And having religion is you and Jesus. Und Religion zu haben bedeutet Jesus und du. Et avoir une religion, ça signifie Jésus-Christ et toi. Having religion means seeing you and seeing Jesus. Religion zu haben bedeutet dich zu sehen und Jesus zu sehen. Avoir une religion, ça signifie que tu te vois toi-même et tu vois aussi Jésus-Christ. Amen. Mm. You know, Christian is you and Jesus. Christ zu sein bedeutet Christus und du. It's you and Jesus. Du und Jesus. Et au christianisme, il s'agit toujours, toujours de Jésus-Christ et de toi-même. The kingdom of heaven is Christ alone. Aber das Königreich des Himmels gehört nur dem König. Es ist nur Jesus Christus. Mais au royaume des cieux, il s'agit seulement de Jésus Christ. Colossiens 1. Colossiens 1. Praise the Lord. Amen. Amen. Colossiens 1. Colossiens 1. The kingdom is all about Christ alone. And not in you at all. Im Königreich geht es nur um Christus und nicht um dich. Au royaume des cieux, il s'agit seulement du roi et pas de toi-même. Amen. Why? Because it is all about Christ. Weil es nur um Christus geht. Parce qu'il s'agit seulement de Jésus-Christ. Colossiens 1. Amen. Amen. Verset 12. Verset 12. He said, giving thanks unto the Father, which have made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Verse 13. 13. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. Praise the Lord. Hallelujah. We have been delivered from the power of darkness. Aus der Kraft der Dunkelheit. Der Finsternis. Et nous avons été libérés du ténèbres. Amen. Amen. Verse 14. Verset 14. In whom we have redemption through his blood. Mm. Can you see the blood? Voyez-vous le sang? Amen. On peut voir le sang de Jésus-Christ qui nous a libérés. His blood is our salvation. Son blood is our rettung. Son sang est notre salut. Amen. It's because of his blood we are one family. Wegen seinem Blut sind wir eine Familie. Amen. Grâce au son sang, nous sommes une famille. If even we live here on earth, we are no longer here. We continue to be one family. Und selbst wenn wir diese Erde verlassen, sind wir immer noch eine Familie wegen dem Blut. Et même si on quitte ce monde, on continue d'être une famille parce que à cause du sang de Jésus-Christ, grâce à son sang. And that's why I allow Jesus to be your mother, your father, your brothers, your sister, your family. Sollen wir zulassen, dass Jesus Christus unsere Familie ist, Vater, Mutter, Geschwister, alles ist. C'est ça pourquoi tu dois laisser Jésus-Christ être ton père, ta mère, ton frère et ta sœur. Amen. Amen. I'm not the mother of my children. It's Christ Jesus that is their mother, their Amen. Father, Amen. Their everything. Ich bin nicht die Mutter meiner Kinder, sondern Jesus Christus ist ihre Mutter, Vater und alles. Moi, je ne suis pas la mère de mes enfants, mais c'est Jésus-Christ qui est leur parent. And that's why anywhere they are, I'm not afraid of anything. Amen. Because I know their father, their mother, their brothers and sisters is always there with him. Mm. They, you know, anywhere they go, they carry their parents with them. Deswegen, egal wo sie hingehen, ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass ihr Vater, ihre Mutter, ihre Geschwister da sind. Das Königreich ist bei ihnen. Jesus Christus ist bei ihnen, egal wo sie sind. C'est ça pourquoi partout où mes enfants sont ou bien vont, je n'ai pas peur parce que je sais que là où mes enfants sont, Jésus-Christ est avec eux. Your natural parents never follow you to anywhere. Unsere natürlichen Eltern können uns nicht überall hin unser Leben lang begleiten. Et tes parents naturels ne peuvent pas te suivre partout où tu pars. They sleep. Sie schlafen. Il dort. And Christ never sleeps. Aber Christus schläft niemals. Mais Jésus-Christ, il ne dort jamais. Allow Christ to be everything for you. Lass zu, dass Christus alles ist für dich. Laisse que Jésus-Christ soit tout pour toi. Parents to teach their children, their real parents. Eltern haben die Aufgaben, ihren Kindern ihre wahren Eltern nahezubringen. Donc, et les parents ici doivent prendre leur travail sérieux puis révéler leurs enfants, leurs vrais parents. It will help those children so much. Es wird diesen Kindern so krass helfen. Et ça va aider ces enfants beaucoup. Are you getting it? Mm-hmm. Teach them that reveal their real parents to them. That's Christ Jesus. Offenbare ihnen ihre wahrhaftigen Eltern. Révèle tes enfants leurs vrais parents. That is when the Holy Spirit can be there to protect those children. Amen. Anywhere they are, the Holy Ghost is there with them. But if they know that their real parents is Christ Jesus, dann hat der Heilige Geist auch die Gelegenheit, auf diese Kinder aufzupassen, weil er damit arbeiten kann, weil er mit der Wahrheit arbeiten kann und nicht mit der Lüge, dass du ihre Vater und Mutter wirst. Et quand tu révèles la vérité à tes enfants, c'est là où le Saint-Esprit a maintenant l'accès de travail, parce que c'est là où il peut commencer maintenant à être là pour tes enfants, parce qu'ils ont compris que c'est Jésus-Christ qui est leur parent. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 14. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Verse 15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creation. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 16. Verse 16. For by him we are all things created. Mm-hmm. That I in heaven, and that I in earth, mm-hmm. visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him alone. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting a place? Mm. Amen. Amen. Verse 17. Verset 17. 17. And he is before Amen. All things. And by him all things consist. Verse 18. He is the head 18. Of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminency. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Also Colossians 3. Since we are seeing Colossians, quickly go to Colossians 3. Colossians 3. Colossians 16 and 17. 16 and 17. Allow it to be Christ the Lord. Amen. Colossiens 3, versets 16 et 17. Lasst zu, dass es um Christus geht. Lasst, qu'il s'agisse seulement de Jésus-Christ. Amen. Amen. It is so good to be Christ alone. Es ist so gut, wenn es nur um Christus geht. Et c'est vraiment bon s'il s'agisse seulement de Jésus-Christ. Then the Holy Ghost can be there for you. Dann kann der Heilige Geist für dich da sein. C'est là où le Saint-Esprit peut être là. Don't tie the hand of the Holy Spirit. Binde dem Heiligen Geist nicht die Hände zu. Ne ferme pas les mains du Saint-Esprit. Free the Holy Spirit to work for you. Gebe dem Heiligen Geist die Freiheit in deinem Leben zu wirken. Donne le Saint-Esprit la liberté d'agir dans ta vie. How? By allowing it to be all about Christ alone. Indem wir zulassen, dass es dir nur um Jesus Christus geht. Et tu le fais quand tu... Pour toi, il s'agit seulement de Jésus-Christ. Verses 16 and 17. Give it thanks to God and the Father by Him. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow it to be Christ alone. Lass zu, dass es Christus alleine ist. Laisse qu'il s'agisse seulement de Jésus-Christ. Do all in Christ Jesus. Tu alles in Christus Jesus. Fais tout en Jésus-Christ. Be there for people because they choose Christ. Sei da für Leute, weil sie sich für Christus entscheiden. Sois là pour les gens parce qu'ils choisissent Jésus-Christ. Amen. Amen. We are only there for people if they choose Christ. Wir können nur für Leute da sein, die sich für Christus entscheiden. Nous sommes seulement là pour les gens qui choisissent Jésus-Christ. We can never be one family with darkness. Wir können nicht eine Familie mit der Finsternis sein. On peut pas être une famille avec le ténèbre. Amen. Amen. We can never be one family with Satan. Wir können nicht eine Familie sein mit dem Satan. On peut pas être une famille avec le diable. We can never be one family with somebody that is not hungry of Christ. Wir können nicht eine Familie sein mit jemand, der nicht hungrig ist nach der Wahrheit. On peut pas être une famille avec une personne qui n'a pas faim de la vérité. We might give you time to repent. We might look at it. We watch. Amen. Wir geben Menschen Zeit, Buße zu tun. Wir beobachten. On donne les gens le temps de se repentir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus called their father the devil. Jesus hat ihren Vater den Satan genannt. Praise the Lord. Jésus-Christ a appelé les gens Jésus-Christ a appelé a dit que le père. Jésus-Christ a dit que le père des gens religieux est le diable. Amen. Amen. Your father is either Christ or Satan. Unser Vater ist entweder Christus oder der Satan. Ton père est soit le diable ou Jésus-Christ. Amen. Amen. Your father is either Christ or Satan. You choose. Entweder Christus oder der Satan. Du entscheidest. Soit ton père est Jésus-Christ ou le diable, toi tu choisis. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is not about what I want, but what Christ wants. Es geht nicht um das, was ich will, sondern das, was Christus will. Amen. Il s'agit pas de ce que moi je veux, mais ce que Jésus-Christ veut. So also what I love. It is not what I love, but what Christ Jesus loves. Es geht nicht um das, was ich liebe, sondern was Christus liebt. Il s'agit pas de ce que moi j'aime, mais ce que Jésus-Christ aime. So also is hate what I hate. Auch Hass, was ich hasse. Et c'est la même chose avec ce que je déteste. Amen. Amen. It is not about what I hate, but what Christ Jesus hates. Was ich hasse, what I hate. Sondern das, was Christus hasst, und das will ich auch hassen. Ce n'est pas important ce que moi je déteste, mais ce que Jésus-Christ déteste. Remember this song. Great change since I born again. Wir kennen dieses Lied, das eine große Veränderung, nachdem wir wiedergeboren wurden. Amen. Il y a une chanson où on chante qu'il y a un grand changement. Depuis que nous sommes nés de nouveau. Great change since I surrender to Christ Jesus. Eine große Veränderung, seitdem ich mich Jesus Christus hingegeben habe. Et il y a un grand changement depuis que je me suis soumis à Jésus Christ. Great change since I surrender, I submit to the Holy Spirit. Eine große Veränderung, seitdem ich mich dem Heiligen Geist hingegeben habe. Il y a un grand changement depuis que je me suis soumis au Saint Esprit. Great change since I now see everything that is all about Christ Jesus. Eine große Veränderung, seitdem ich sehe, dass alles Christus ist. Tout a changé depuis que j'ai vu qu'il s'agit seulement de Jésus Christ. Can we quickly sing that song? On va chanter cette chanson. Yeah. Great change since I'm born again. Alleluia. Great change since I'm born again. Eine große Veränderung, seitdem ich mich Jesus Christus hingegeben habe. Il y a un grand changement depuis que je me suis soumis à Jésus Christ. Amen. Amen. To be born again. Wiedergeboren zu sein. Être né de nouveau. Amen. Amen. It is not just pray the prayer of salvation. Ist nicht nur das Errettungsgebet beten. Ce n'est pas que tu pries la prière de salut. Amen. Amen. Just as we read that you can see the kingdom. But not enter. Genau. Just to be born, just to pray the prayer of salvation, you can only see the kingdom, but you cannot enter. Genauso wie wir in Johannes 3 gelesen haben, dass du kannst das Königreich Gottes sehen, aber du kannst auch in das Königreich Gottes eingehen. C'est comme on vient de lire dans Jean 3 que tu peux voir le royaume des cieux, mais tu ne peux pas aussi entrer au royaume des cieux. Donc il y a une différence entre voir et puis entrer au royaume des cieux. And John 3:5 says, through baptism of the Holy Spirit, then you enter into the kingdom of heaven. Und Johannes 3:5 steht, dass durch die Taufe des Heiligen Geistes gehen wir in das Königreich Gottes ein. Et Jean 3, verset 5 nous dit qu'à travers le baptême du Saint-Esprit, c'est là où on entre au royaume des cieux. And once you enter, you continue to be there so that you now become a son. Wenn wir eingehen, bleiben wir weiterhin you daran, there, you live there. Damit wir weiterhin Söhne bleiben. Wir besuchen diesen Ort nicht, sondern wir wohnen Romans 8. Et quand tu es entré au royaume de Dieu, tu continues avec Jésus-Christ, tu continues à rester un fils. Ce n'est pas que tu visites seulement le le royaume de Dieu, après tu sors, mais tu restes en lui. Praise the Lord. Romans 8:14. Romans 8, verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. You know, praying the prayer is seeing the kingdom. Das Gebet beten bedeutet, das Königreich Gottes zu sehen. Faire la prière, ça signifie voir le royaume de Dieu. Amen. Receive the baptism of the Holy Spirit, you enter there. Aber die Taufe des Heiligen Geistes empfangen bedeutet in das Königreich Gottes eingehen. Mais recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça signifie que tu entres au royaume de Dieu. Then you continue to have relationship with the Holy Spirit. Du hast weiter eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Après là, tu continues d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. You continue to choose Jesus Christ. Amen. Du entscheidest dich weiterhin für Jesus Christus. Tu continues à choisir Jésus Christ. There you become a son. Und dann sind wir Söhne. Et c'est là où tu es un fils. Allow the Holy Spirit to lead you. Nehmen wir zulassen, dass der Heilige Geist uns leitet. Et puis tu es un fils quand tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Romans 8:14. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Until you submit to the Holy Spirit, you are not a son. Erst wenn du dich dem Heiligen Geist hingibst, bist du ein Sohn. Jusqu'à ce que tu te soumets au Saint-Esprit, tu n'es pas un fils. And until you are a son, you cannot know Christ. Go to John 1. Und erst wenn wir Söhne sind, können wir Christus erkennen. Et seulement quand tu es un fils, tu peux connaître aussi Jésus-Christ. Johannes 1:18. Jean 1:18. Are we there, please? Johannes 1:18. Amen. Amen. Until you are a son, you cannot know Christ. Erst wenn wir Söhne sind, können wir unseren Vater kennen. Seulement si tu es un fils, c'est là où tu peux connaître ton père. It's only the son that can know their father. Nur der Sohn kann den a Vater servant kennen. Can never know his father. Ein Knecht kann seinen Vater nicht kennen. Seulement un fils peut connaître son père, mais un servant ne peut pas connaître son père. Are you getting it? Le père. Verse 18. Verset 18 de Jean 1. It said, no man has seen God at any time. The only begotten son, which is in the bosom of the father, he had declared him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So also, no one can know Christ except you are a son. Niemand kann Christus kennen, es sei denn, du bist ein Sohn. Personne peut connaître Jésus-Christ sauf cette personne et un fils. Just as only Jesus as a son, so also you and me, we are sons. Genauso wie Jesus Sohn ist, sind wir auch Söhne durch Jesus Christus. Et comme Jésus-Christ est un fils, comme ça aussi nous, nous sommes des fils à travers de Jésus-Christ. He is the only son of the true God. Amen. Er ist der einzige Sohn des wahrhaftigen Gottes. Il est le seul fils du vrai Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. So also until we are sons, we cannot know Christ. Erst wenn wir Söhne sind, können wir Christus erkennen. We cannot know our father. Können wir unseren Vater erkennen. Jusqu'à ce que nous sommes des fils, on peut pas connaître notre père. Religious people hate Christ. Religiöse Menschen hassen Christus. Les gens religieux détestent Jésus-Christ. And Christ really warned us against them. Und Christus hat uns vor religiösen Menschen gewarnt. Et Jésus-Christ nous a averti contre les gens religieux. Amen. Mm-hmm. He did not warn us against prostitutes, against sinners outside, but against the religious people. Er hat uns nicht vor Prostituierten oder vor den Sündern gewarnt, sondern er hat uns vor religiösen Menschen gewarnt. Have you ever thought of it? Et Jésus-Christ a surtout parlé... Matthew 16. Quickly go there, please. Matthew 16. Praise the Lord. Jésus-Christ nous a pas averti contre les menteurs ou bien les... Pêcheurs, mais là, dans Jésus-Christ, il n'a pas parlé beaucoup sur les pêcheurs en général, mais surtout sur les gens religieux. On va lire maintenant Matthieu 16, verset 6. He warned us against those people that say they are saved, they are born again, they are of Jesus Christ when they are not of Jesus Christ. Er hat uns gewarnt von den Leuten, run away from them. Die sagen, dass sie wiedergeboren sind, dass sie Jesus haben, wo sie Jesus nicht haben. Wir sollen vor diesen Menschen fliehen. Mais plutôt, il nous a dit de fuir les gens qui disent qu'ils ont une relation avec Dieu, qu'ils sont des enfants de Jésus-Christ, qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne sont en réalité pas des enfants de Dieu. Raph, can you help us to read verse 6? Verse 6. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Praise the Lord! Hallelujah! Then Jesus said unto them, take heed. And beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Mm. He warned them against those people, religious people. Those that will say they are safe when they are not safe. Die sagen, dass sie errettet sind, obwohl sie nicht sind. Die diskutieren. Jésus-Christ nous a averti de gens religieux qui disent qu'ils sont sauvés mais qui ne sont pas sauvés, les gens qui aiment discuter et puis qui ne sont pas prêts à comprendre qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Do you know why? Because Satan loves their body. Weil der Satan liebt ihren Körper. Et vous savez pourquoi? C'est parce que le diable aime leur corps. He loves these people's body, the religious people's body. Er liebt den Körper der religiösen Menschen. Le diable aime le corps des gens religieux. Amen. Amen. Because you know his body, your body is a vessel for him. Weil ihr Körper ist ein Gefäß für ihn, für den Satan. Parce que le corps d'un homme religieux c'est un vaisseau pour le diable. Amen. Amen. And that's why he does not want us to be one with them. Deswegen, you warn them, then you leave them. Deswegen sagt der Herr, dass wir nicht eins sein sollen mit ihnen. Wir warnen sie und dann verlassen wir sie. Et c'est ça pourquoi Dieu ne veut pas qu'on soit un avec ces gens-là. On doit prêcher aux gens, mais après on le laisse. Your body is a vessel for Satan. Weil ihr Körper ist ein Gefäß des Satans. Parce que leurs corps sont des vaisseaux pour le diable. If you are telling them the truth, they will say they are saved. Wenn du ihnen die Wahrheit sagst, sagen sie, dass sie errettet sind. Si tu leur dis la vérité, ils disent qu'ils sont sauvés. Amen. They never surrender to the truth. Sie ergeben sich nicht der Wahrheit. Ils se soumettent jamais à la vérité. Jesus warned us against them. Jesus hat uns vor ihnen gewarnt. Et Jésus-Christ nous a averti contre eux. And that is why when somebody refuses to submit to Christ, we will not be one with them. Also, wenn sich jemand nicht Jesus Christ ergeben möchte, dann können wir nicht eins haben mit diesen Menschen. C'est ça pourquoi si cette personne ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ, on peut pas être un avec cette personne. Because Satan loves their body. Denn der Satan liebt ihren Körper. Parce que le diable aime son corps. Amen. Amen. It is his palace. Es ist their body is his palace. Ihr Körper ist sein Palast. Er lebt dort drin, der Satan. Parce que le corps de la personne religieuse, c'est comme un palais pour lui. Il vit dans ce corps. Your father is going to live in you. But then father would in you. Somebody getting something. Mm. Parce que selon la Bible, ton père va vivre en toi. Amen. If Satan is your father, is going to live in you. If you are religious, Satan is going to live inside your father. Dein Vater ist, wenn du religiös bist und deswegen der Satan dein Vater, das wird er in dir leben und durch dich hindurch leben. C'est ça pourquoi si tu es religieux, ton père, le diable, il va vivre en toi. They and their children, we can never be one with them. Aber sie und ihre Kinder, wir können nicht mit ihnen eins sein. Mais eux et ses enfants ne peuvent pas être un avec eux. Let me see. Deutéronome. Deutéronome 7. 5. Mose 7. Deutéronome 7. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Deutéronome 7 is interesting. 5. Mose 7 ist interessant. Amen. Et c'est très intéressant ce qu'on peut lire là-bas. Praise the Lord. Hallelujah. You know, things of Christ, yeah, you know. That's why we need the Holy Ghost so much. Wir brauchen den Heiligen Geist für die Dinge von Christus. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les choses du Christ. Because no flesh can achieve it. Denn das Fleisch kann es nicht erreichen. Parce que la chair ne peut pas accomplir ce que Jésus-Christ veut. Read this at home also, your homework. Deutéronome 7, 1-10. 5. Mose 7, 1-10, lest das bitte auch zu Hause. Deutéronome 7, 1-10, c'est notre devoir. It says, when the Lord, your God, merci, shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, and have cast out many nations before thee, the Hittites and the Girgashites and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, seven nations mightier than thou. He's talking about our salvation. Er spricht über unsere Rettung hier. Ici, dans verset 1, Dieu parle de notre salut. Are you getting it? He's talking about your salvation. Er redet über deine Rettung. Il parle de ton salut. Amen. Amen. Then in verse 2 he said, and when the Lord your God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them. Nor show mercy unto them. It's not the mercy of the flesh. It's not the love of Gnade the flesh. Des Fleisches, nicht die, die Liebe des Fleisches. The pity of this world. Das Mitleid dieser Welt. Et, show it. Don't leave it. Das sollen wir nicht leben. Et dans verset 2, quand Dieu parle de la grâce, il ne parle pas de la grâce mondaine ou bien charnelle ou bien du pitié de ce monde. Satan love the flesh so much. Le Satan aime le flesh so sehr. Parce que le diable il aime la chair. And he walks through the flesh. Und er arbeitet durch das Fleisch. Et il travaille à travers la chair. Verset 3. He said, neither shall thou make marriages with them. Your daughter, thou shalt not give unto his son, nor his daughter shall thou take unto your son. But verse 4. For they will turn away your son from following me, that they may serve other gods. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. Praise the Lord. Hallelujah. Please read here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here the Bible is telling us that children take direction. They take decision from their parents. They don't marry their children. They listen to their parents. Kinder von ihren Eltern beeinflusst werden und dass wir deswegen ihre Kinder nicht heiraten sollen. Et verset 3 à 4 nous dit que les enfants prennent la ou ils suivent la décision de leurs parents. C'est ça pourquoi on ne doit pas marier les enfants de païens. Amen. Their children are always one with them. Ihre Kinder sind immer eins mit ihnen. Leurs enfants sont toujours ont toujours une relation avec leurs parents. Amen. And that's why parents, a mother is not having a relationship with the true God. That's the son also to be rejected. Und deswegen, wenn Mutter und Vater keine Beziehung mit Jesus Christus haben, dann müssen ihre Kinder auch verweigert werden. C'est ça pourquoi si une mère n'a pas une relation avec avec Dieu, ça veut dire aussi que les enfants doivent aussi être rejetés. Especially when they are the children, they are under them. Besonders wenn die Kinder unter den Elternteilen noch leben, also noch für sie verantwortlich sind. Surtout si les parents sont responsables pour les enfants. If they are grown up, wenn sie they can take their own decision. Können diese Kinder selbst entscheiden. But under their parents, it is what their parents have, they are going to give to the children. Aber unter ihren Kindern, die Eltern werden das, was sie glauben, was sie haben, ihren Kindern natürlich weitergeben. Sie werden diesen Ungehorsam ihren Kindern weitergeben. Et c'est ça pourquoi jusqu'à ce que les enfants soient matures, tu dois faire attention avec les enfants parce que les parents vont donner ce qu'ils ont à leurs enfants et puis ils vont suivre aussi ce que leurs parents disent. Children copy their parents. Weil Kinder especially if they are young. Von ihren Eltern beeinflusst werden. Sie kopieren, nachahmen, besonders wenn sie jung sind. C'est ça pourquoi quand les enfants sont jeunes, ils sont toujours influencés par leurs parents. And that's why if you hear the truth, your children is going to hear the truth. Wenn du die Wahrheit hast, except they are now grown up, they cannot take their own decision. If they are under you, they will hear the truth. Because they hear lies from you. They hear the hatred. How you hate Jesus, they hate it. They hear it from you. Deswegen, wenn du Jesus hast, wenn du die Wahrheit hast und verweigerst und religiös bist, wenn deine Kinder auch religiös werden, wenn deine Kinder auch die Wahrheit hassen, Jesus hassen, weil sie das sehen, was du sagst, was du tust, was du nicht tust. Sie kopieren das. Et c'est ça pourquoi, si tu es une mère et tu détestes la vérité, c'est, tes enfants aussi vont te suivre, ils vont aussi détester la vérité pour, comme toi, parce qu'ils voient ce que toi tu es en train de faire. And that's why Deuteronomy 30, verse 19. Let us go there. Look at what he said there. 30, verse 19. Amen. He said, "You never choose alone. You choose for yourself and your seed." Hier steht ganz klar, du entscheidest nie für dich alleine mit. Du entscheidest für andere Menschen mit, für deinen Samen, für deine Kinder entscheidest du mit. Deutéronome 30, verset 19, nous dit que tu ne choisis jamais pour toi-même, mais toujours pour tes descendants aussi. Look at it. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. That both thou and your seed may live. Praise the Lord. Hallelujah. Any decision you take, you are taking it for your sons and daughters that are with you. Jede Entscheidung triffst, triffst du für deine Kinder, triffst du für deinen Sohn, triffst du für deine Tochter. Chaque décision que tu le prends pour toi et tes enfants. Amen. Amen. They are going to hear your voice. Sie werden deine Stimme hören. Ils vont obéir à ta voix. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, somebody will say, okay, it's Old Testament. Natürlich könnte man sagen, let's look at the Testament. We close with here. Das Amen. Ist doch das Alte Testament. 2 Corinthians 6. Aber auch im Neuen Testament sehen wir das. Amen. Et pour les gens qui disent que okay, c'est l'Ancien Testament, on va lire maintenant le Nouvel Testament. You know, Christ is the same yesterday, today, and forever. 2. Korinther 6. Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und für immer. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On va lire 2 Corinthiens 6. He never changes. Er ändert sich nicht. Il ne change jamais. Amen. Amen. His plan might change, but his purpose remains. Seine Pläne ändern sich vielleicht, aber sein Zweck bleibt der gleiche. Il peut changer son plan, mais son but change jamais. Ça reste toujours le même. Amen. Amen. 2 Corinthians 6, 2 Corinthians 6, 14 bis zum Ende. 2 Corinthians 6, 14 jusqu'à la fin. Amen. It's a be ye not unequally yoked together with unbelievers. Unbelievers, religious peoples are unbelievers. Ungläubige hier, die hier stehen, es geht auch um religiöse Menschen, die sind auch nicht gläubig. Verset 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, les gens religieux sont aussi des infidèles. Pagans, the pagans are religious people. Die Heiden sind religiöse Menschen. Les païens sont les gens religieux. Amen. For what fellowship has righteousness with unrighteousness? And what communion has light with darkness? Amen. Verse 15. 15. 15. And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? Infidel, you know, infidel is not just those that are not, you know, those the people that are not going to church, that will not say they are not saved. Infidel. Infidel are those that, you know, like, John 8, that we just read. Und, those people, they were religious people. Religious people, they are infidel. Religiöse Menschen sind auch ungläubige Menschen, weil sie nicht an Jesus Christus glauben, sondern an andere Götter glauben. Et donc les gens religieux sont aussi appelés infidèles selon la Bible parce qu'ils croient aux autres dieux, pas au vrai Dieu à travers de Jésus Christ. Ils n'ont pas une relation avec Jésus Christ. Those that, you know, they will say they are saved, but they don't, they are, for them it's not about Jesus Christ. They still control their life. Aber ihnen geht's nicht um Jesus, sie kontrollieren immer noch ihr eigenes Leben. Les gens religieux disent qu'ils sont sauvés, mais pour eux, ils sont leur propre Seigneur. Pour eux, Jésus-Christ ne règne pas. You want to help them to know the truth. No, they will say they are saved. They don't know, you cannot force me. You know, infidel. Die Ungläubigen, die sich nichts sagen lassen, die sich nicht helfen lassen, in die Wahrheit einzugehen, die ablocken, die sich gezwungen fühlen von der Wahrheit, anstatt dankbar zu sein für die Wahrheit. Les infidèles sont des gens qui sont sûrs de leur salut. Ils disent qu'ils sont salus quand tu prêches la vérité. Ils disent qu'ils ont déjà tout reçu et c'est ça le problème. Ils sont infidèles. No, no. Praise the Lord. Hallelujah. You know, those they even call on believer, we enter heaven, they will not enter. Und die Menschen, because those people, they don't even have anything on their board. But they, religion, have been occupied. They never change. Look at the Pharisees and the Sadducees. Amen. They never change. Because they believe that they are already saved. Und sogar die Leute, die diese Menschen ungläubig nennen, sie werden es sogar eher schaffen als diese Menschen selbst, weil sie bis ans Ende dagegen diskutieren, dass sie errettet sind und ihre Beziehung, ihre vermeintliche Beziehung mit Gott in Schutz nehmen, anstatt sich einzugestehen, dass sie Feinde der Wahrheit sind und dass sie sich dem Herrn eben nicht ergeben haben, dass sie sich dem Heiligen Geist eben nicht ergeben haben. Et les gens qui sont appelés incroyables par les gens religieux, c'est eux qui ont même une chance, une plus grande chance d'entrer au royaume de Dieu parce que leurs cœurs sont vides, ils sont prêts à recevoir la vérité. Mais les gens religieux, par contre, ils pensent qu'ils sont déjà sauvés. Puis c'est ça pourquoi on peut même pas prêcher aux gens religieux. He said, what agreement had the temple of God with idols? 16. Verset 16. Oh, daddy. For you are the temple of the living God. Are you getting it? Your body is the temple of Christ. Dein Körper ist der Tempel von Christus. Ton corps est le temple de Jésus-Christ. If you are really saved. Si tu es vraiment sauvé. And that's why the Lord Jesus take care of his temple, take care of your body. Passt der Herr Jesus Christus auf deinen Tempel, auf deinen Körper auf. Amen. Ist das, pourquoi Jesus Christ il s'occupe de ton corps, de son temple. And that's why if you have any problem in your body, that should not even be your business. Because there's somebody that owns your body. Ein Problem hast mit deinem and Körper. And take care of that body more than any other person. Ist das nicht deine Sache, weil dem Herrn gehört dein Körper und er kann besser darauf aufpassen als irgendjemand anderes. Amen. C'est ça pourquoi si tu as un problème avec ton corps ou bien une maladie qui te dérange, c'est pas ton problème parce que Dieu prend soin de ton corps. Praise the Lord. Hallelujah. For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God and they shall be my people. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Il vient de lire verset 16 complet. Interesting. Verse 17. Verset 17. He said, wherefore come out from among them. And be ye separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. Verse 18. And will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this ministry is a narrow bit. Diese Gemeinde ist ein schmaler Weg. Praise the Lord. Please go to Matthew 7. Et c'est ça pourquoi cette église est un chemin étroit. Matthieu 7. Narrow gate. If you go to Matthew 7, you see narrow gate. Mm-hmm. On va lire. On va lire Matthieu 7, verset 13. 13 and 14. Matthieu 7, 13 and 14. He said, enter ye at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat. Mm-hmm. Verse 14. Verse 14. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Read it. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Praise the Lord. Hallelujah. It is a narrow gate. C'est un enger Weg. Ein schmaler Weg. Et c'est une porte étroite. You have to be focused. Wir müssen fokussiert sein. Tu dois être focalisé. Don't allow anything to distract your Lass attention. Nicht zu, dass sich etwas ablenkt. Ne laisse pas que quelque chose te distraire. Romans 12 call it a race. Römer 12 sagt, es ist ein Rennen. Et Romain 12 nous dit que c'est une course. It's not everybody that starts marathon race that can end it. Nicht jeder, der mit, in einem Marathon losläuft, kann bis zum Ende durchhalten. Pas chaque personne qui commence avec la course peut supporter jusqu'à la fin. Praise the Lord. Don't allow anything to distract your attention. Lass nicht zu, dass sich irgendetwas ablenkt. Ne laisse pas que quelque chose te distraire. Don't allow anything to take you from Christ. Lass nicht zu, dass etwas dich von Christus wegnimmt. Ne laisse pas que quelque chose te sépare de Jésus-Christ. There's nothing here on earth. Nichts ist hier auf Erden. Amen. There's nothing here on earth. Es gibt nichts, was hier auf Erden. Il y a rien ici sur la terre. Please, if you don't have Christ completely surrendered to Him. Wenn du Christus nicht wirklich alles gegeben hast, dann übergebe dich ihm vollkommen. Si tu n'as pas tout soumis à Jésus-Christ, là, soumets-toi à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tomorrow might be too late. Morgen ist es vielleicht schon zu spät. Demain, ça peut être trop tard. Amen. Amen. So please, we are closed. If you have any question or any, you could not even go to.